Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Comme chaque jour, votre émission est chapeautée. Comprenez, elle est introduite par un chapeau, un petit texte qui n'a d'autre ambition que d'être une mise en bouche. Mais ce chapeau-là ne peut pas, à lui seul, raconter toute l'histoire, raconter tout un monde. C'est en revanche ce que peut faire le chapeau de Vermeer. Vermeer, vous savez, le peintre hollandais du XVIIe siècle. Le chapeau de Vermeer, le XVIIe siècle à l'aube de la mondialisation. C'est le titre d'un ouvrage de 2010 écrit par l'historien canadien Timothy Brook. À partir de six tableaux de Vermeer, il a ausculté un monde en mutation. Il a tiré les fils, cherché les relations, il nous a offert une histoire formidable, chapeau bas. Tim Brook n'est pas chapelier. Il est historien et même sinologue, spécialiste de la Chine. Il a parlé de son dernier ouvrage avec Anaïs Kien, « Le léopard de Kubilai Khan, une histoire mondiale de la Chine », une fresque chinoise qui nous conduit de la Perse aux Pays-Bas et en Chine, évidemment. Bel ouvrage pour lequel nous lui tirons notre chapeau. Le grand état Yuan a reçu le mandat du ciel et a fondé un nouvel empire en Chine. Mais au début du règne de Kubilai, on n'avait pas encore instauré de cour digne de ce nom. Tous ceux qui espéraient obtenir une audience, dignitaire ou roturier, se massaient devant sa tente sans distinction de statut, honorable ou vil, supérieur ou inférieur. Les surveillants de la cour géraient cette foule agaçante en faisant des moulinets de canne et en chassant tout le monde. Mais ceux qui étaient chassés ne cessaient de revenir, encore et encore. Timothy Brook, bonjour. Ce léopard est intrigant, ce léopard de Kubilai Khan, mais on en apprend davantage sur son propriétaire, ce Kubilai Khan, occupant mongol de la Chine, qui va bouleverser la structure politique chinoise au XIIIe siècle. Pourquoi ce grand état, hérité des Mongols, est-il si important pour comprendre les relations entre Chinois et non-Chinois, et pour comprendre aussi d'ailleurs votre ouvrage ? I discovered that the 13th century was an important transition point for China. Chinese tell their own story as a story of national unity that begins. J'ai découvert que le 13e siècle était un moment de transition important pour la Chine. Les Chinois se racontent leur propre histoire comme une histoire d'unité nationale qui commence au 3e siècle avant Jésus-Christ. Mais en réalité, l'invasion mongole du 13e siècle a tout changé à la nature de l'empereur, à la nature de l'État, à la nature de l'autorité politique, de la légitimité politique. Tous ces aspects ont été transformés au XIIIe siècle. Le personnage qui a entraîné ces changements, c'était probablement Genghis Khan. Genghis Khan n'est jamais allé en Chine, mais c'est son petit-fils, Kubilai Khan, qui est devenu le premier dirigeant important mongol en Chine. Et il a apporté les idées de Genghis Khan avec lui, plusieurs idées différentes. L'une d'entre elles, c'est que l'État doit se développer au maximum et ça peut couvrir l'intégralité du monde. Une autre idée, c'est que le dirigeant a une autorité personnelle sur l'ensemble du monde et même s'il n'est pas capable de contrôler tous les peuples, en fin de compte, il reste le grand dirigeant du monde entier. Et donc ça modifie l'imaginaire politique chinois. Il ne s'agit plus que d'empereurs chinois qui dirigent, qui gouvernent la Chine. C'est cette idée en expansion d'une entité politique augmentée qui émerge au XIIIe siècle et qui devient le modèle de la Chine à partir du XIIIe siècle et jusqu'au présent. Ce n'est pas une histoire que les Chinois se racontent. Ce n'est pas une histoire que la plupart des Chinois, dont la plupart des Chinois ont d'ailleurs conscience. Elle exige peut-être le point de vue de quelqu'un qui est extérieur à la Chine, le point de vue du monde, pour pouvoir voir ce qui s'est passé et ce qui a changé dans l'histoire chinoise au cours des deux derniers millénaires. On imagine que c'est effectivement compliqué pour les Chinois d'accepter que leur forme politique, qui va perdurer jusqu'au début du XXe siècle, cette forme de grand État, n'est pas une invention chinoise, mais un héritage d'une invasion, d'un conquérant, d'un occupant, que sont les Mongols. It is a very difficult idea to accept. We teach everywhere in the world, we teach a nationalistic history. We try to tell the story of our own culture, our own country, in relation to its gradual unfolding. C'est une idée très difficile à accepter. Partout dans le monde, on enseigne une histoire nationaliste, on essaie de raconter l'histoire de notre propre culture, de notre propre pays, en rapport avec son développement progressif. On n'aime pas raconter des histoires dans lesquelles les forces externes viennent changer le cours de l'histoire, mais dans ce cas précis, je pense que c'est juste. Les Mongols, les Mandchous au XVIIIe siècle ensuite, et même dans une certaine mesure les Japonais au XXe siècle, ces invasions qui sont arrivées en Chine ont modifié la manière dont les Chinois comprenaient ce qu'est la Chine et aussi ce qu'ils étaient prêts à tolérer comme acceptable de la part d'un État, de la part d'un dirigeant. Toute la légitimité du régime a été modifiée sous l'effet de ces invasions. C'est très difficile à accepter. Et c'est très difficile aussi à voir. Un pays qui a été envahi a tendance à redémarrer l'histoire une fois que les envahisseurs sont partis pour revenir à sa vision originelle d'elle-même, de lui-même. Et donc quand les Chinois se racontent l'histoire des dynasties Yuan, Ming et Qing, les dynasties de la fin de la période impériale, ils voient les Yuan comme des envahisseurs, les Ming comme un retour aux valeurs à l'ordre chinois, et ensuite les Qing encore les Mandchous comme un nouvel ordre venu de l'extérieur. Mais en fait, la dynastie Ming qui est au milieu, la dynastie chinoise, a également adopté des formes, une idéologie, des idées qui avaient été apportées par les Mongols. Et je pense qu'il n'en avait pas forcément conscience en le faisant. C'est simplement qu'après le passage des Mongols, certaines idées relatives à ce que devait être un dirigeant étaient là, et donc quand une nouvelle dynastie commençait, le dirigeant regardait, suivait, s'inspirait de l'exemple des Mongols. Et d'une certaine manière, il devenait un dirigeant à la mongole. C'est quelque chose qui a peut-être disparu dans l'histoire chinoise, mais quand les Mandchous sont arrivés au XVIIe siècle, ils ont reconquis la Chine, et ils étaient encore plus mongols que les Mongols, en fait. Ils ont quelque part réussi à faire ce que les Mongols avaient échoué à faire. Et donc la Chine a passé une grande partie de ces 8 derniers siècles sous le régime d'étrangers et en a été transformée. Ce que vous nous racontez là, Timothy Brook, cela va à l'encontre du désir de roman national des Chinois, mais cela va aussi à l'encontre de l'idée qu'on se fait en tant qu'occidentaux, de l'histoire chinoise, l'histoire d'une entité unie, très grande, intangible d'une certaine façon depuis des siècles. And those ideas that we have in the West about China are not wrong, because China has been, in some sense, a unified state for far longer than anything in Europe. China has been Et ces idées qu'on a en Occident sur la Chine, elles ne sont pas erronées parce que la Chine a été, d'une certaine manière, un État uni depuis beaucoup plus longtemps que n'importe quel pays d'Europe. La Chine a une population plus importante que n'importe quel État occidental. Et donc c'est une orientation complètement différente. En Occident, il y a cette idée que les États devraient être plutôt petits, en compétition les uns avec les autres et en collaboration les uns avec les autres. Mais l'imaginaire politique en Europe, ce n'est pas celui de l'unité. Et c'est peut-être pour ça que l'Union européenne continue à rencontrer des difficultés. Parce que l'imaginaire européen, ce n'est pas l'idée de s'unifier en une seule et même chose. Alors qu'en Chine, il y a cette idée très puissante d'un monde chinois qu'il soit unique, unifié, et que toute personne qui veut quitter ce monde pour créer un pays distinct n'est pas légitime. Mais ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'il y a certes des préférences culturelles chinoises fortement ancrées qui jouent là-dedans, mais la réalité politique a en fait été créée pendant l'occupation mongole. Pour comprendre les relations de la Chine au monde extérieur, il faut peut-être commencer par parler de l'imaginaire, de la place que la Chine se donne elle-même au sein du monde. Et pour cela, vous commencez votre ouvrage en retraçant une enquête à partir de la découverte d'une carte du XVIe siècle dont la généalogie est un peu compliquée, Timothy Brook. The map with which I begin the book is a map that's in the library of my university where I teach, the University of British Columbia. And it hadn't been lost, it's just that nobody knew it was there and finally a student found it. Oui, cette carte sur laquelle j'ouvre le livre est une carte qui est dans la bibliothèque de l'université où j'enseigne, l'Université de Colombie-Britannique. Elle n'avait pas été perdue, c'est juste que personne ne savait qu'elle était là, et en fait un étudiant l'a fini par la trouver. Et on m'a montré cette carte qui est remarquable, c'est une carte qu'on met au mur, qui fait 1,5 mètre de long. C'est une énorme carte qui a été imprimée au XVIIe siècle. Quand on la regarde, ce qu'on voit, c'est une carte de la Chine. Quand les Chinois la voient, ils voient une carte de la Chine aujourd'hui. En réalité, c'est une carte du monde. Ce que j'essayais de faire en ouvrant le livre, c'était de nous faire changer la manière dont on imagine ce qu'on voit. Oui, la Chine se voyait comme étant le centre du monde, mais ça ne veut pas dire que la Chine excluait le reste du monde. La Chine trouvait de la place pour ce reste du monde autour de cette carte. Donc je pense que je demande à la fois aux lecteurs occidentaux et aux lecteurs chinois de revoir leur perspective sur la place qu'occupe la Chine dans le monde. C'est beaucoup plus fluide, une histoire beaucoup plus compliquée qu'on ne le pense. Et donc quand on voit quelque chose et qu'on se dit « Ah, ça c'est chinois », en fait ça l'est parce que la Chine fait partie du monde depuis tous ces siècles. Ce n'est pas parce que la Chine est un endroit à part et qu'il faut aller comprendre cet endroit à part. En fait, la Chine n'est devenue ce qu'elle est que par ses interactions avec le monde. Et j'ai pensé que la carte était une manière intéressante de commencer à réfléchir à la manière dont on pense la Chine. Et c'est vraiment l'objectif du livre. Le livre n'est pas une histoire de la Chine, c'est une histoire de la Chine dans le monde. Et ce sont deux sujets complètement différents. Donc je crois que ce que je voulais dire, c'est qu'on ne comprend pas la Chine si on laisse de côté le monde. Les interactions de la Chine avec le monde ont fait ce qu'est la Chine aujourd'hui. Sur cette carte, on voit la Chine, donc au centre, avec une forme rectangulaire. Pourquoi cette forme rectangulaire, Timothy Brook? This is an old cosmological idea of Chinese culture going back several millennia. There is an adage in China, Tian Yuan Di Fang. The heaven is round and the earth is square. And it has to do with their idea of how. C'est une idée cosmologique très ancienne de la culture chinoise qui remonte à plusieurs millénaires. Il y a un adage en Chine qui dit que le paradis est rond et la terre est carrée. C'est lié à leur idée de la manière dont le cosmos a commencé, comment la terre est apparue. La Terre est apparue comme un espace carré qui est penché pour que toutes les eaux s'écoulent du nord-ouest vers le sud-est. Donc quand on dessine une carte de la Chine, il faut que la Chine soit carrée. Mais bien sûr, les Chinois savaient que la Chine n'était pas carrée. Sauf qu'on ne regardait pas une carte pour savoir comment aller d'un point A à un point B, on regardait une carte de Chine pour comprendre où on se situait dans le cosmos. Donc cette carte a du sens pour les Chinois. En étant carré, même si la Chine n'est pas carrée, cette carte a du sens. Et ce qu'il y a au-delà de ce carré qui constitue la Chine, c'est ça le reste du monde. Et on en met autant qu'on peut. Au XVIIe siècle, les Chinois savaient très peu de choses sur le reste du monde. Au XIVe siècle, en fait, ils en connaissaient beaucoup plus. Mais cette connaissance a été perdue peu à peu. Et puis plus tard, bien sûr, alors qu'ils étaient confrontés aux Européens qui arrivaient au XVIe, au XVIIe siècle, leur perspective du monde s'est de nouveau étendue vers l'extérieur. En fait, cette carte par laquelle je commence le livre a été influencée par des jésuites qui sont venus en Chine et qui ont apporté les façons de dessiner le monde européen. Et ce modèle européen qui montre le monde comme un espace complet dont la Chine n'est qu'une petite partie. En fait, les cartographes chinois se sont servis de ces idées et les ont mis dans une forme chinoise. Si vous voulez, la carte peut nous apparaître comme un objet chinois, mais en fait, c'est quelque chose d'hybride. C'est le résultat d'un échange entre un échange d'idées entre des Chinois et des Européens sur la manière dont on peut représenter le monde. Alors justement, parlons de Matteo Ricci, qui n'a pas rien à voir avec cette carte trouvée par hasard sur les rayonnages d'une bibliothèque, ouais. Une carte du XVIe siècle. Les Européens essuient de nombreux échecs dans leurs tentatives de commerce ou de rencontre avec la Chine, à commencer par les Portugais, qui attendent longtemps, très longtemps, avant d'être éconduits. Mais c'est ce jésuite, Matteo Ricci, qui réussit à trouver un terrain de, peut-être pas d'entente, mais un terrain de dialogue, vers 1600. Le contexte chinois s'y prêtait davantage, ou c'est Matteo Ricci qui a trouvé les clés d'une porte pour entrer en dialogue avec les Chinois? I think both things are happening. That Matteo Ricci spent over 20 years in China. He learned Chinese, he read Chinese classical texts. He came to understand the educated Chinese. Eh bien, je crois que c'est un peu des deux. Matteo Ricci a passé plus de 20 ans en Chine. Il a appris le chinois. Il lisait les textes classiques chinois. Matteo Ricci intitula sa carte Carte complète des 10 000 pays de la Terre. L'idée que le monde était formé de 10 000 pays n'était pas de son invention. Il avait emprunté ce chiffre au Livre des Changements, un ancien ouvrage classique de divination vieux de 3 millénaires, qui remontait à l'ère des petits états de l'âge du bronze. Au tout début du 3e siècle avant notre ère, on considérait comme un fait que dans l'Antiquité, il y avait eu 10 000 pays, alors qu'aujourd'hui, il ne se chiffre qu'à une dizaine. Lorsque ce siècle s'acheva, cette dizaine avait intégralement disparu, à une exception près, le Qin. Ce ne fut qu'après que le souverain du Qin, l'origine de notre mot Chine, eut éradiqué tous les autres états d'un bout à l'autre de la plaine de Chine du Nord, que le paradigme des 10 000 pays disparut. L'empereur fondateur de Qin déclara que ses descendants et lui régneraient à jamais sur tout sous le ciel, sous forme d'un unique royaume. L'ère des 10 000 pays était révolue. L'ère de la Chine, méga-état unique, toujours en vigueur aujourd'hui, avait vu le jour. Matteo Ricci a appris à connaître, à comprendre les Chinois éduqués avec qui il dialoguait depuis les années 1580 jusqu'à sa mort en 1610. Donc il avait une certaine compréhension de la vision du monde des Chinois. Et il leur apportait la connaissance européenne en partie comme une manière de dire « Le monde est beaucoup plus grand que vous ne le pensez. Je viens de cette autre partie du monde. Vous devriez vous rendre compte que ce monde est beaucoup plus grand. » Mais il avait aussi envie de déstabiliser la manière dont il se voyait. Non pas tant de les perturber, mais de leur dire simplement « Le monde n'est pas comme vous le comprenez. Et moi, j'ai une vision du monde qui changera votre vie. » Son objectif, bien sûr, c'était de les christianiser. C'était de faire des convertis. Et la façon de convertir les gens, c'est de dire à la personne qu'on essaie de convertir de lui montrer que sa vision du monde est fausse, est faussée, qu'il ne comprend pas la véritable nature des choses. Et donc Ricci a porté aussi ses cartes européennes pour dire « Vos cartes du monde n'ont pas de sens alors que les nôtres fonctionnent. Et donc les nôtres vous permettront de vous lier à Dieu si vous les comprenez et donc vous serez convaincu qu'il faut devenir chrétien. » Donc Ricci avait son propre projet, sa propre stratégie. Mais en même temps, les Chinois qu'il rencontrait à l'époque, il est arrivé en Chine au moment où il y avait de nouvelles idées qui arrivaient en Chine. La Chine était en train de devenir un pays plus riche, très commerçant. Il y avait toute une rénovation du monde philosophique en Chine au tournant du XVIIe siècle. Donc les Chinois qu'il rencontrait étaient disposés à écouter ce qu'il avait à dire, à accepter certaines de ses idées. Ils étaient intéressés pour travailler avec lui, collaborer avec lui, pour essayer de développer un savoir plus inclusif, plus global sur le monde dont la Chine était partie, mais aussi en Europe à l'époque. Il a eu beaucoup de chance, Ritchie, parce qu'à l'époque où il y est allé, c'était un moment où les Chinois étaient prêts à rentrer dans une forme de dialogue. Le résultat n'était pas forcément ce que lui recherchait. Il n'a pas convaincu les Chinois de se débarrasser de leurs cartes et d'utiliser les siennes à la place. En fait, ils ont pris ces cartes et ils les ont réimaginées d'une manière qui avait du sens pour leur propre vision du monde. Et évidemment, en résultat, peu de Chinois se sont convertis au christianisme, mais beaucoup de Chinois sont devenus conscients du monde et ont essayé d'intégrer ce monde en général dans leur vision. Vous faites la part belle dans cet ouvrage, Le Léopard de Kubilai Khan, Timothy Brook, à ceux qui se sont fait des passeurs, des médiateurs entre la Chine et le reste du monde, et entre le reste du monde et la Chine. Vous évoquez évidemment la figure de Marco Polo, qui est en fait employé par Kubilai Khan lui-même. Vous évoquez aussi ces pirates que la Chine a du mal à éradiquer, qui sillonnent la mer de Chine. Vous évoquez aussi les nombreuses ambassades envoyées par la Chine pour faire savoir sa puissance. Mais pour ces intermédiaires, ça ne se passe pas toujours très bien, puisque vous nous racontez bien, à la fin de l'ouvrage, cette fois-ci, c'est le 13e portrait, d'une certaine façon, qui raconte un procès pour trahison d'un collaborateur, Liang Hongji, dont le procès a lieu en 1946 et qui est condamné pour avoir été l'intermédiaire entre les autorités chinoises et les autorités japonaises. It has always been difficult, I think, for middlemen, or perhaps we should say cultural arbitrators, to find ways to bring China and the world together. It's been difficult on both sides. So what I do in the book with these 13 different stories. Ça a toujours été difficile, je pense, pour les intermédiaires, on devrait dire peut-être les arbitres culturels, de trouver des moyens de rapprocher la Chine et le monde. C'était difficile des deux côtés. Ce que je fais dans le livre, avec ces 13 récits différents, c'est d'essayer de trouver des points de médiation où les étrangers et les Chinois sont entrés dans une forme de conversation, de collaboration, une nouvelle compréhension les uns des autres. Le risque ici, pour les Chinois, c'est que si la personne qui entre en dialogue avec des étrangers se retrouve finalement acculée, isolée, marginalisée politiquement, il peut y avoir des conséquences. Dans tout le livre, la Chine souhaite à la fois se protéger et en même temps se perpétuer, mais aussi être capable d'interagir avec le monde. Ce qui peut créer un certain chaos politique quand il y a un changement rapide. Le dernier chapitre, qui parle de Liang Hongzhi, c'est un choix intentionnel de ma part, parce que les enjeux étaient très forts. Quand on s'engage dans la médiation culturelle, les enjeux ne sont pas très graves, mais quand il s'agit de médiation politique, voire de collaboration politique avec des puissances étrangères, alors les enjeux peuvent être très grands. Si l'État que vous servez échoue, et ça a été le cas du Japon après la Seconde Guerre mondiale, alors les Chinois qui ont travaillé avec les Japonais se retrouvent très exposés. Et c'était son cas. Je ne suis pas sûre que je le qualifierais, Liang Hongzhi, de traître à la Chine. Il s'intéressait, je pense, aussi à son propre intérêt, ses propres avantages. Mais il se souciait aussi de permettre à la Chine de survivre à l'occupation japonaise, qui était très dure, très brutale pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais parce qu'il était du mauvais côté, il a été puni pour ça. Donc jouer les médiateurs entre la Chine et le monde extérieur, c'est difficile pour les Chinois. C'est aussi difficile parfois pour ceux qui viennent de l'extérieur de la Chine. Et souvent, quand on est un médiateur culturel, on ne maîtrise pas ce que les conséquences, les résultats vont être. Ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est de montrer, sans parler d'abstraction, de montrer des individus qui, dans la situation dans laquelle ils étaient, montraient ce qu'ils ont fait pour essayer de comprendre toutes ces contradictions et ces interactions entre la Chine et le monde et voir ce qui se passe. dans chacune de ces histoires. Le 13e chapitre est peut-être le cas le plus extrême du Chinois qui se retrouve exécuté, en fait, pour avoir essayé de négocier les relations de la Chine avec le reste du monde. Et cet épisode, ce procès pour trahison, pour collaboration, n'arrive pas à n'importe quel moment non plus, puisque en arrivant dans les années 30 du XXe siècle, les Chinois pensaient s'être débarrassés de cette série, de cette très longue série d'invasions qui les avaient transformés, qu'ils avaient assimilés également. Mais la Chine pense être sortie de cette période d'humiliation, puisque, évidemment, on a eu les invasions mongoles, les invasions mandchoues, puis ensuite les guerres des Britanniques et de leurs alliés, les guerres de l'opium au XIXe siècle, une période qu'ils vont appeler une époque d'humiliation. Et puis, dans cet entre-deux-guerres, on pense être sorti de ce moment-là. Et tout à coup, les Japonais font des incursions sur ce territoire et remettent dans un sentiment de remémoration, d'humiliation, une Chine qui pensait s'en être sortie et qui d'ailleurs avait créé sa première république en 1912. Yes. This is exactly right. The humiliation of all of these centuries of occupation and of pressure meant that Chinese emerge in the 20th century wanting to have their own independent state. They lack the perhaps the consensus. C'est tout à fait juste. L'humiliation de tous ces siècles d'occupation et de pression signifie que les Chinois arrivent au XXe siècle avec l'envie d'avoir leur propre État indépendant. Il leur manque peut-être un consensus, des dirigeants politiques pour réussir à mener ça à bien, et le Japon en tire avantage. Et encore une fois, la Chine se retrouve occupée par le Japon. Je crois que je modifie un peu l'histoire dans le livre parce que selon ce récit-là, la Chine, après 1911, émerge comme État indépendant et qui essaie de se décoloniser, qui cherche à obtenir son indépendance des puissances impérialistes étrangères. En général, on raconte que le Japon est une autre puissance occidentale impériale, exactement pareil, et qui interfère avec la Chine à son propre avantage. Mais j'ai modifié un petit peu cette histoire en montrant que les Japonais sont aussi assez proches de l'occupation mongole. Encore une fois, il y a une répétition de cette tendance de l'occupation étrangère. Mais je pense qu'en fait, votre question soulève le fait que l'environnement global de la Chine avait changé à cette époque-là. Donc on sait qu'il n'y aura pas, on ne s'accommodera pas à long terme de l'invasion japonaise, de l'occupation japonaise. Ce sont des envahisseurs, l'invasion a été brutale, on va les chasser. Et on est dans un monde aussi où le nouvel ordre mondial n'accepte pas l'idée que des États envahissent d'autres États. C'est toute l'idée des Nations Unies qui protègent les États de toute invasion. Et la Chine a participé à la fondation des Nations Unies en 1945 et a également fait des procès pour trahison pour tous ceux qui avaient collaboré avec le Japon. C'était une manière de dire « c'est fini, la Chine en a fini avec ce passé et va désormais se comporter dans le monde avec toute son indépendance et une autonomie totale. » Mais ces histoires sont liées. Il n'y a pas en réalité de rupture claire. On aime penser que la fin de la période impériale, c'est 1911, qu'ensuite la Chine devient une république populaire. Mais c'est une nouvelle histoire, certes, mais une nouvelle histoire qui a des parts d'anciennes histoires qui lui sont mêlées. C'est très difficile, en fait, de les distinguer. Et je ne pense pas qu'il le faut. Ce qui m'intéresse en tant qu'historien, c'est de rendre le passé plus compliqué. Parce que la nationalisation de l'histoire, ce dont nous parlions plus tôt dans cette interview, empêche les gens de voir, en fait, d'où ils viennent vraiment. La tâche de l'historien, c'est donc de compliquer ça et d'encourager les gens, qu'ils soient chinois ou quoi que ce soit d'autre, à avoir une vision plus complexe du passé. Parce que c'est avec cette complexité que nous vivons au quotidien. On ne s'en débarrasse pas comme ça. On ne peut pas simplement décréter que c'est un nouveau monde, un nouveau siècle. C'est peut-être vrai, mais le passé continue à l'influencer, à même à hanter la manière dont les États fonctionnent. Oh, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, Le cours de l'histoire. L'histoire doit nous aider à accepter la complexité, Timothy Brook. Et pourtant, vous nous faites traverser presque 8 siècles d'histoire mondiale de la Chine avec une aisance désarmante. Pour cela, on l'a bien dit, vous nous proposez des portraits d'hommes, quelques femmes aussi, qui traversent cette histoire. Des objets, cette carte que vous avez retrouvée un peu par hasard sur les rayonnages d'une bibliothèque universitaire. Et puis, il y a aussi un événement qu'on pourrait peut-être nommer un événement monde, qui est la Grande Peste Noire du milieu du XIVe siècle, qui est un événement commun, dans une certaine mesure, à la Chine et au reste du monde. Exactly. I'm interested in. I wrote the chapter on the plague as a way of encouraging readers to think about the world as one place. Now, the world is never really one place for most of us. Most of us are in our particular part of the world. But in fact, the world is one place. J'ai écrit le chapitre sur la peste comme une manière de pousser les lecteurs à imaginer le monde comme une seule et même planète. Le monde n'est jamais vraiment une seule et même planète pour tout le monde. On est tous, chacun est dans sa partie particulière du monde. Mais en réalité, le monde est unifié en termes d'environnement, en termes de climat, en termes d'écologie globale. Donc j'ai choisi de faire ce chapitre sur la peste comme une manière d'essayer d'intégrer toutes les différentes parties du monde dans une seule et même histoire. C'est très difficile dans le cas chinois, pour l'Europe, pour le Moyen-Orient, pour l'ouest de la Russie, on a aujourd'hui des traces scientifiques très intéressantes qui montrent l'impact de la peste. On est capable de séquencer le génome, l'ADN de la peste. On a une histoire très précise, en fait, de la peste en Europe, mais pas pour la Chine. Et pourtant, la Chine, au cours de ces décennies, entre les années 1360 et 1330 et 1360, a eu des épidémies très graves. Je suis prudent en tant qu'historien, je ne peux pas dire si c'était des épidémies de peste. Mais ce qu'on sait, c'est que le monde dans les années 1340, 50, 60 était un endroit où il y avait des épidémies à grande échelle qui ravageaient la planète entière. Et si on arrive à raconter cette histoire d'un point de vue mondial, on voit à quel point les différentes parties du monde étaient liées entre elles. Même au XIVe siècle, toutes ces parties pouvaient interagir les unes avec les autres. Ce qui est étonnant aussi, Timothy Brook, c'est de voir tous les verrous qui s'offrent à vous dans cette quête de comprendre ces interactions entre la Chine et le monde, entre le monde et la Chine, et de constater à quel point vous n'avez jamais l'air de vous décourager. This is perhaps a difficult question and goes to my own curiosities as a historian. I think I started out studying China because it was so different from everything that I understood as the world. Growing up in Canada, traveled to Europe. C'est peut-être une question difficile qui me renvoie à mes propres curiosités en tant qu'historien. Je crois que j'ai commencé à étudier la Chine parce qu'elle était tellement différente de tout ce que je comprenais du monde. J'ai grandi au Canada, j'avais voyagé en Europe, mais je n'avais eu aucune expérience de l'Asie. Et je pense que j'ai choisi la Chine parce que c'était l'endroit le plus éloigné que je pouvais imaginer. Pour essayer de comprendre comment le monde fonctionne, comment les États fonctionnent, quelle est la bonne manière de vivre, ce sont des questions très vastes qui m'animaient, je crois, quand j'étais jeune. Et plus je me suis enfoncée dans l'histoire chinoise, plus j'ai vu à la fois les différences et les similarités. Des différences fondamentales qui sont liées à la manière dont les gens vivent leur vie quotidienne, mais aussi des similarités fondamentales liées au désir que les gens ont partout dans le monde pour l'autodétermination, pour le respect, les moyens de vivre et de faire vivre leur famille. Ce sont des aspirations qui sont universelles, même si culturellement, elles peuvent se placer dans des contextes très différents. Et en particulier les 20 dernières années de ma carrière, ce qui m'a préoccupé, c'est de voir comment construire l'histoire d'un endroit qui tienne compte du reste du monde en même temps. C'est assez utopique, en fait, cette idée. C'est assez difficile de comprendre l'histoire de la Chine sans essayer de ramener le monde entier là-dedans. Mais je pense que si on ne le fait pas, alors la Chine devient un endroit exceptionnel à part qui n'appartient plus au monde. Et donc, peu importe ce que peut faire le gouvernement chinois, et depuis une dizaine d'années, il a causé énormément d'angoisse un peu partout dans le monde par ses actes, mais peu importe ces actes du gouvernement, ni même des individus, des Chinois, je pense qu'il est important qu'on ait la compréhension la plus large possible. Donc, mon travail, pour moi, ce n'est pas d'étudier la Chine à part, mais d'étudier la Chine comme faisant partie du monde. Vous voyez des parentés, des liens, Timothy Brook, entre l'histoire et le présent, c'est-à-dire les guerres commerciales lancées par Donald Trump, des guerres punitives, qui seraient le symptôme d'une méfiance dont on ne s'est toujours pas débarrassé vis-à-vis de la Chine, et puis aussi, évidemment, ce conflit qui dure et qui concerne la réintégration de Hong Kong dans la République populaire de Chine. Well, I think everything I write about in the book lies in the background to what is happening today. I did not write the book with the intention of commenting on the present, but it becomes kind of inevitable. In the last while, the level of trust. Bien, je crois que tout ce sur quoi j'écris dans le livre est un contexte qui explique ce qui se passe aujourd'hui. Je n'ai pas écrit le livre avec l'intention de me livrer un commentaire sur le présent. Mais ça devient inévitable. Récemment, le degré de confiance entre la Chine et le monde a atteint un degré particulièrement bas. Les dirigeants chinois n'ont pas du tout confiance dans le monde dans la manière de les traiter, et les dirigeants étrangers comme Trump n'ont pas confiance en la Chine. Ce que peut faire un historien, c'est d'essayer d'offrir une opportunité pour réfléchir à la manière de reconstruire cette confiance. Et ça passe par le savoir. Il faut en savoir davantage sur le pays, sur la personne, sur le dirigeant de cette culture pour laquelle vous avez cette défiance. Sinon, si on part de ce moment de défiance, justement, on ne pourra pas développer des compréhensions, des échanges, des collaborations qui sont nécessaires pour le commerce, pour les relations diplomatiques, pour pouvoir bénéficier de la présence d'autres pays dans le monde. Et on a atteint un moment assez difficile en 2019. C'est lié peut-être à la résurgence de certaines grandes idées sur ce que doit être l'État de la part des dirigeants chinois. Mais c'est aussi lié à la pression et à la résurgence de certains préjugés qui se sont développés en Occident, en Chine, depuis le XVIIIe siècle. En Occident, sur la Chine. La Chine étant vue comme une concurrence injuste, inéquitable, la Chine comme un pays qui n'est pas démocratique, qui est despotique. Il y a des dimensions qui sont vraies là-dedans, mais depuis le XVIIIe siècle, l'Occident a tendance à décrire la Chine comme un endroit presque diabolique et arriéré. Et ça n'aide pas à ramener la Chine dans le XXIe siècle. Et dans le même temps, les Chinois ont également développé des stéréotypes sur les Occidentaux. Et donc, la confiance que les Chinois ont dans les Occidentaux est également très, très basse. Et je pense que la manière de s'en sortir, c'est pas de raconter des histoires nationales héroïques. Trump essaie de raconter une histoire nationale héroïque des États-Unis. Xi Jinping fait la même chose pour la Chine. Une histoire qui n'a rien à voir avec le monde extérieur. C'est juste la Chine en elle-même, avec son génie qui lui est propre. Et toutes ces histoires nationalistes ne font que provoquer la collision. La seule manière de se débarrasser de cette façon de raconter le passé, c'est d'accepter la complexité, d'accepter la globalité d'une expérience nationale donnée et d'essayer de se rapprocher les uns les autres en reconnaissant ça. La France est le produit du monde, la Chine est le produit du monde, les États-Unis également, ce ne sont pas des zones fondamentalement indépendantes, ce sont des endroits qui ont été imbriqués depuis des siècles. Et ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est d'essayer de considérer certaines des façons dont l'histoire de la Chine a été comme ça imbriquée dans celle du monde et la façon dont le monde a aussi été influencé par la Chine. Kubilai avait atteint l'âge avancé de 65 ans. Il buvait plus que de raison et n'avait plus ni la force de bander un arc ni la stabilité nécessaire pour atteindre une cible. Ce qui interdisait au peintre de le mettre en scène au grand galop, décochant des flèches contre sa proie. Il recourut donc à plusieurs procédés ingénieux pour contourner ce problème. Le premier consistait à représenter Kubilai vêtu d'un immense manteau d'hermine blanche jeté sur sa robe impériale, pivotant sur sa selle pour suivre l'action comme s'il y prenait part. Le deuxième fut de le placer près du centre, mais pas exactement au centre de la peinture, pour donner l'impression qu'il participait au mouvement dynamique de la scène. Sur la gauche, un archer à cheval vise deux oiseaux en vol juste au-dessus de la tête de Kubilai. Des oiseaux que la plupart des spectateurs ne remarquent pas de prime abord. Équilibrant cet archer sur la droite, un saluki attend la chute d'un des oiseaux. Un deuxième drame se déroule au premier plan, littéralement au pied de Kubilai. Le cavalier en bas, à gauche, tient un gerfaut sur son poing droit et a déposé derrière sa selle les dépouilles de la chasse, une perdrix ainsi qu'une aigrette. Le cavalier, à ses côtés, a sur le poing un gerfaut blanc, encore plus impressionnant, aux yeux couverts d'un chaperon rouge. Mais l'animal le plus frappant de cette scène de chasse est le plus proche du spectateur. Muselé, harnaché et attaché à la selle, un léopard est perché sur une couverture rayée de couleurs vives sur la croupe du cheval, au premier plan. On entend bien, Timothy Brook, que votre objectif aussi est d'essayer de réduire ces distances qui nous semblent infranchissables. Pour finir, ce léopard du titre de votre ouvrage, ce léopard de Kubilai Khan, finalement vous en parlez très peu. Pourquoi avez-vous eu besoin de cette image de ce léopard impassible, juché sur la selle de son maître, qu'on voit en couverture, peut-être prêt à bondir? En quoi cette image vous a guidé dans cette histoire mondiale de la Chine? As an old man, he's 65, and he's looking every year of his age. Je crois que j'ai choisi cette image en partie parce que j'adore le tableau dont elle fait partie. Il y a ce tableau qui est sur la couverture de l'édition française qui montre Kubilai Khan, âgé, il a 65 ans, il porte tout à fait son âge. Il est à la chasse et autour de lui, il y a ses chasseurs et il y a un cheval. Un chasseur à cheval qui a un léopard à l'arrière sur le cheval. La raison pour laquelle ça a attiré mon attention, c'est parce que c'est très inhabituel. Je pense que je n'avais jamais vu un tableau avec un léopard à dos de cheval. Mais cette histoire nous vient de Marco Polo. Et c'est très curieux parce que le tableau a été fait par un peintre chinois dans les années 1280. Marco Polo, qui connaissait Kubilai Khan, à cette époque-là, est revenu en Europe en 1295. Et il a raconté cette histoire que Kubilai Khan aimait aller chasser avec un léopard à dos de cheval. Bien sûr, c'était très étonnant pour les Européens, personne ne fait ça. Ce qui est intéressant, c'est que chasser avec un léopard à dos de cheval, ce n'est pas une tradition de chasse chinoise, c'est une tradition mongole. Les Mongols forment ces animaux pour devenir des chasseurs, des animaux de chasse. Kubilai était arrivé en Chine avec ce léopard de chasse et les Chinois auraient trouvé ça complètement fou. Et c'est pour ça que le peintre a peint ce léopard, le peintre chinois. Et quand Marco Polo raconte cette histoire aux Européens, un peintre européen du XIVe siècle a également fait un tableau de Kubilai Khan avec un léopard derrière lui sur son cheval, un tableau complètement ridicule parce que l'illustrateur français qui a fait ce tableau n'avait pas la moindre idée de ce que ça donnait d'avoir un léopard à l'arrière d'un cheval, de l'allure que ça avait. Donc j'ai choisi cette image parce qu'elle montre la confusion, elle montre le métissage culturel qui se produit au XIIIe siècle. Kubilai, les Mongols, ramènent ces léopards en Chine, Marco Polo raconte cette histoire en Europe, un Chinois fait un tableau de ce léopard, un artiste français fait aussi un tableau de Kubilai avec un léopard. Ça montre à quel point la mondialisation, c'est quelque chose que nous voyons aujourd'hui de la manière dont nous la vivons, mais la capacité du monde à passer par ce genre de moment de mondialisation, elle existe en fait depuis des siècles. Et on peut remonter au XIIIe siècle. On peut regarder où est ce léopard, le trouver dans ses tableaux, un tableau français à un bout de l'Eurasie et un tableau chinois à l'autre bout. Et on voit à quel point c'est complexe et à quel point l'histoire du monde est mélangée, métissée. Vous écrivez « Ce livre est une somme possible de ce que j'y ai trouvé ». Évidemment, on vous souhaite bien d'autres possibles à venir, Timothy Brook. Quelle sera votre prochaine enquête ? Une enquête qui est déjà peut-être en cours d'ailleurs. My next research is actually turning the history of China and the world inside out. I'm going to start from Britain. I'm looking at Britain in the 17th century and trying to understand how did English people see China. Not just China, but mes prochaines recherches en fait retourne l'histoire de la Chine dans le monde dans l'autre sens. En fait, je vais commencer par la Grande-Bretagne. Je vais regarder la Grande-Bretagne au XVIIe siècle et essayer de comprendre comment les Anglais voyaient la Chine, pas seulement la Chine, mais même l'Asie. En fait, je fais un demi-tour à 180 degrés et je pars de l'Angleterre et j'essaie de revenir à la Chine en partant dans la direction opposée. Donc vous retournez à votre point de vue britannique, d'une certaine façon, le point de vue de départ. Peut-être, on peut dire ça, puisque vous êtes canadien. Yes. Merci beaucoup, Timothy Brook. Merci à vous pour ce Léopard de Kubilai Khan, une histoire mondiale de la Chine, traduit une fois de plus, puisque c'était déjà le cas pour le Chapeau de Vermeer par Odile Demange. Encore une fois, merci. Et cet ouvrage, on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies et c'est aux éditions Payot. Merci. Et merci à vous. C'était un grand plaisir de parler de ce livre avec vous. Merci. Un plaisir partagé. Merci beaucoup Timothy Brook, merci beaucoup Anaïs Kien. C'était Le Cours de l'Histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Cudès, Camille André. Vous pouvez réécouter ces émissions en ligne sur le site internet Le Cours de l'Histoire, franceculture.fr ou bien en podcast. Et puis vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Dès la semaine prochaine, quelques déambulations historiques, histoire de remonter Le Cours de l'Histoire, des promenades radiophoniques en compagnie d'Edgar Morin, d'Alain Corbin ou encore d'Elisabeth Crouzet-Pavant et d'Anne Lafont. Avec eux et avec elles, nous irons de l'Espagne républicaine à la Venise médiévale, des Antilles au désir de rivage. Bonheur. Got a black magic woman. I got a black magic woman. I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. I got a black magic woman, she trying to make devil out of me. Turn your back on me, baby. Turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your trick. Don't turn your back on me, baby. You might just pick up my magic stick. Magic woman, I can't leave you alone.